Radio Campus Lille, midi. Bonjour, nous sommes le troisième samedi du mois, il est midi sur Radio Campus et c'est l'heure d'Angle d'attaque, l'émission de l'Association pour une taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Une émission particulière aujourd'hui, figurez-vous que vous allez assister en direct à un examen, à une épreuve orale d'enseignement agricole. Le candidat, c'est Germain Barret, le copain Germain. Germain qui, après un début de vie professionnelle dans l'informatique, a l'intention désormais de devenir maraîcher. Ah que voilà une belle idée. Le thème de l'épreuve, l'agroécologie. Ça tombe bien, c'est ce qui a été décidé en septembre lorsque nous avons programmé l'année d'émission. La saison. Parce que de toute façon, ça nous intéresse, l'agroécologie, et qu'on ne connaît pas tout, évidemment. Alors, une information de qualité, on est pour, à attaque, évidemment. Germain nous a fait une demande en bonne et due forme, et on ne pouvait pas lui refuser, bien entendu. Il aura deux interlocuteurs. Jean-Luc Malpeau, céréalier et éleveur, qui nous vient de Malincourt, près de Cambrai, co-auteur de la charte de l'agriculture paysanne. Il a été enregistré hier matin. L'autre invité est une invitée, Sylvia Pérez-Victoria, sociologue et économiste au Musée d'Histoire Naturelle. Sylvia Pérez-Victoria est au téléphone dans quelques minutes. Elle sera invitée à répondre, entre autres, on va dire ça comme ça, au propos de Jean-Luc Malpeau. Donc, merci d'être avec nous en ce troisième samedi du mois. Germain, je te passerai les commandes dès que René aura fait le point sur l'actualité de notre belle association. René, c'est à toi. D'accord. Eh bien, alors les activités d'attaque, tout d'abord au plan national. Campagne requin 2014, réponse de BNP Paribas. La direction de BNP Paribas a répondu à Attac qu'elle ne fermerait pas ses filiales aux îles Caïmans. Attac va donc poursuivre ses actions contre l'établissement bancaire. Et comment ? Et pour mémoire, je vous rappelle que le samedi 15 mars, c'était la première journée de la campagne requin. C'est plus de 40 manifestations qui ont eu lieu partout en France, dont bien sûr ici à Lille. Une pétition pour la taxe des transactions financières. Il nous faut 1 million de signatures avant le 30 avril. Un projet crédible de taxation des transactions financières est sur la table. Celui de la Commission européenne, pour une fois. Il ne reste plus aux 11 pays volontaires qu'à l'adopter. Une pétition donc est mise en place est disponible sur le site d'Attac France. Donc avant le 30 signé avant le 30 avril avant le 30 avril prochain, il nous faudrait 1 million de signatures. Ça va pas être de la tarte, mais on y croit. La campagne contre le grand marché transatlantique, donc Stop TAFTA. Un communiqué d'Attac et d'Hightech en date du 27 mars. La consultation publique lancée par la Commission européenne sur les droits des investisseurs, clause, je vous le rappelle, qui est la plus dangereuse du traité, n'est qu'une parodie. Le document technique est inintelligible pour les non-experts. Le questionnaire n'offre aucun espace permettant aux opposants d'exprimer leur désaccord. Et bien sûr, ici, au plan local, comme vous le savez, nous relayons la campagne contre ce traité transatlantique. Avec notre collectif. Le collectif régional Stop TAFTA. Eh bien, on peut déjà dire que la réunion publique du 7 avril au gymnase a été un succès, puisqu'elle a réuni plus de 250 personnes. Une autre réunion publique à l'initiative d'Attac Roubaix-Tourcoing, avec intervention de Frédéric Vial, devrait se tenir le 12 mai à Roubaix. Le 28 avril, salle Marianne à Villeneuve-d'Ascq, nous envisageons la participation au débat sur l'Europe en présence de députés européens et de candidats aux élections européennes. Le 1er mai sera une journée d'information avec tracts et stands à la fête de la soupe de Oisem et au festival du livre d'Arras. Le 23 mai, à l'avant-veille des élections, un rassemblement est prévu sur la Grand Place à Lille à 18h30. Votre présence est bien sûr la bienvenue. D'autres actions également, interpellation des parlementaires, des candidats aux européennes, des collectivités locales et du conseil régional. Et prise de contact pour l'élargissement du collectif. Enfin, des nouvelles du collectif Ouyouyouy 5962. La manifestation du dimanche 13 avril a connu un vif succès. Donc c'était à Divion, là où doivent avoir lieu les premiers forages d'exploration. Elle a rassemblé plus de 700 personnes. Après le défilé dans les rues de la localité, un enterrement symbolique du projet a été effectué. L'événement était couvert par les médias, notamment Radio Bleu Nord. Et enfin, le collectif Eau. Alors, le collectif Eau se mobilise maintenant pour l'arrêt du lancement d'une délégation de services publics de distribution pour 8 ans et demande toujours l'instauration d'une régie publique de distribution, tout en ayant conscience, bien sûr, que le changement de majorité à LMCU ne va pas rendre la chose facile. Mais ça ne nous arrêtera pas pour autant. Voilà. Merci René. Est-ce que Germain prend les commandes? Eh bien, oui, bonjour. Quelques précisions concernant cette émission au rythme chamboulé. Si j'anime cette thématique spéciale agroécologie, c'est dans le cadre d'un module de formation à l'Institut de Genève, puisque je suis en reconversion professionnelle depuis un an, de l'informatique vers le maraîchage. L'animation d'aujourd'hui est mise en place avec les structures associatives ATTAC et Terre de Liens, partenaires de cette émission et tuteurs de ma prestation. ATTAC, nul besoin de la présenter, c'est déjà fait, n'est-ce pas Christian ? Terre de Liens est quant à elle une association d'accompagnement des initiatives collectives d'accès solidaire à la terre en milieu rural et périurbain. Tout à fait, il y avait une autre émission d'ATTAC qui traitait de la question en 2013 et vous pouvez la retrouver sur son site web. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre invitée qui nous a rejoint par téléphone, Sylvia Pérez-Vitoria, bonjour. Bonjour. Ah, c'est beau quand ça marche. En votre compagnie, nous allons traiter d'agroécologie pendant 40 minutes. Permettez que je vous présente Sylvia, vous êtes économiste et sociologue, maître de conférences. Vous avez plusieurs ouvrages à votre actif traitant de la paysannerie. Vous êtes également membre de l'association La Ligne d'Horizon et vous travaillez avec l'ISEC, l'Institut de Sociologie et d'Études Paysannes, basé en Andalousie. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors Sylvia, c'est certainement vous qui allez le mieux nous en parler. Depuis une perspective française, l'agroécologie a pris son envol au colloque d'Albi en 2008, rencontre internationale, et a vu sa popularité monter sur le plan politique avec, entre autres, Olivier de Schutter, qui travaille à faire la passerelle entre la Commission européenne et l'ONU sur les thèmes agro-environnementaux. Mais pour vous, où et quand situez-vous les origines de l'agroécologie ? En fait, elle est assez ancienne. Elle date de la fin des années 80 en Amérique latine. C'est l'Amérique latine où elle s'est développée en premier parce que l'Amérique latine a été peut-être une des régions la plus frappée par les dégâts de l'agriculture industrielle de manière intensive. Et en même temps, il y avait une paysannerie nombreuse. Donc le choc des deux a fait en fait que cette réflexion et cette nouvelle discipline s'est principalement développée en Amérique latine avec des gens comme Altieri, comme Glissman, comme Toledo, etc. Et puis après, elle a pris un peu d'ampleur en Europe, en Espagne, justement à l'ISEC, là où je travaille. Pareil, parce que les chercheurs qui étaient là ont été pris dans une réalité locale de paysans sans terre, etc. Et voilà, et donc après, effectivement, il y a eu, pour la France, ça a mis beaucoup plus de retard, parce que la France, on a des institutions agronomiques qui veillent, voilà, si je puis dire, pour utiliser un euphémisme. Donc au Brésil, si je me rappelle bien, il y avait le mouvement des sans-terre, c'est ça ? Alors le mouvement des sans-terre, qui au début n'était pas du tout dans une optique agroécologique et qui petit à petit l'a développé à partir des années 2006, 2005 on peut dire, 2004, ils ont commencé à l'adopter. Et puis bien sûr, on y reviendra peut-être, de mon point de vue, le fait le plus marquant, c'est que le grand mouvement international Via Campesina ait adopté l'agroécologie comme son mode de production, comme sa démarche, à partir de 2008, en fait, au colloque de Maputo. Le colloque de Maputo, la même année que le colloque d'Albi. Voilà, exactement. Exactement la même année, mais c'est une coïncidence. Hein. Le colloque d'Albi, dont il faudrait peut-être rappeler qu'il a été co-organisé par la Ligne d'Horizon, les Amis de la Terre, Nature et Progrès, la Confédération Paysanne et Ecobâtir. Et comme je fais partie des organisateurs, je peux rappeler, parce que c'est quand même intéressant de savoir, qu'on avait invité toutes les écoles d'agronomie françaises et qu'en fait, il n'y a eu que deux chercheurs qui se sont déplacés. Par contre, il y a eu beaucoup d'étudiants et beaucoup de jeunes, ce qui prouve que l'agroécologie est très vivante, en fait, intéresse beaucoup des jeunes, aussi bien chercheurs que paysans. Et ce n'est que tardivement que les organismes de recherche français se sont mis à l'agroécologie et puis très dernièrement le gouvernement français, puisque nous sommes censés être devenir le premier pays agroécologique du monde. À ce propos, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture qui vient de survivre au remaniement, déclarait au sujet de l'agroécologie avoir choisi une autre voie, la brandissant comme une super solution pour le développement agricole. Est-ce que vous comprenez la même chose que lui à propos de l'agroécologie ? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que, en fait, la manière dont, quand on sait un petit peu, bon, en fait, ça a été un petit peu, la première déclaration un peu officielle date de décembre 2012, où il y a eu une rencontre organisée par le ministère de l'Agriculture, donc par Stéphane Le Foll. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la démarche du gouvernement, il y a des chercheurs comme Michel Griffon qui parlent d'agriculture écologiquement intensive. Donc on est dans une manière de... Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'agronomie officielle est bien obligée de constater son échec, hein, échec environnemental, échec même de nourrir l'humanité, échec catastrophe même, échec sur plan climatique, etc., etc. Donc il faut trouver de nouvelles formules, reverdir un peu le processus, mais sans rien changer. Et donc la double performance affichée, c'est-à-dire performance économique et performance écologique, est une simple manière de reverdir l'agronomie traditionnelle, de mon point de vue. Et peut-on concilier agroécologie et technologie ? En tout cas, pas les technologies telles qu'elles se sont développées dans l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle ne peut pas répondre à ce que demande l'agroécologie, qui est une revalorisation de savoirs plus traditionnels, se passer d'intrants chimiques, devenir autonome vis-à-vis de l'énergie, etc. C'est toute une série de principes de l'agroécologie qui sont totalement incompatibles avec l'idée de performance, compétition, gagner des marchés, etc. On est dans une logique tout à fait différente. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale dans lequel ils se sont tous envoyés des noms d'oiseaux. Et à la fin, c'était d'un côté la droite qui disait « l'agroécologie, c'est le retour au néolithique », et de l'autre côté, le gouvernement qui disait « l'agroécologie, c'est la compétitivité ». Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, moi je dirais c'est ni l'un ni l'autre. C'est récent, ces débats à l'Assemblée ? Oui, ça a eu lieu là, il y a quelques mois, hein, juste avant les élections, quand il y a eu la présentation des premiers débats sur la loi d'avenir agricole. Et donc, voilà, ça a été... Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une autre démarche qui remet au centre de l'analyse, d'abord les paysans, en considérant que ce sont eux qui, dans l'histoire, ont réussi à maintenir les équilibres, et qui a une vision beaucoup plus large que la vision agricole, disons de l'agriculture elle-même, en allant vers d'abord le système agroalimentaire dans son ensemble, et plus généralement les facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui influent sur la production de la nourriture. Et d'une façon, et bien sûr, dedans, il y a le travail, il y a l'emploi, il y a tous ces éléments-là, les échanges, bien sûr, tout ça doit être pris en cause et non pas réduit simplement à ce qui se fait, par exemple, dans les instituts de recherche, c'est-à-dire un catalogue de nouvelles techniques. En fait, ça a tendance à devenir ça. C'est parce que c'est le plus facile, en fait. Donc, il s'agissait des conférences à l'Assemblée lancées à l'initiative de Brigitte Allain, c'est ça, députée Europe Écologie de Dordogne ? Non, le débat dont je vous parlais, là, c'était un débat qui a eu lieu au Parlement européen. Hein. Et à part ça, nous, alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que suite à cette grande déclaration sur l'agroécologie de la part de Stéphane Le Foll, il y a une lettre qui a été adressée au gouvernement en décembre donc 2012, par Nature et Progrès, en disant l'agroécologie que vous prenez n'est pas la nôtre. Et à la suite de ça, on a créé un collectif d'agroécologie paysanne et nous, on a organisé il y a 15 jours une rencontre à l'Assemblée nationale pour asseoir un petit peu ce collectif d'agroécologie paysanne qui actuellement regroupe environ 13 associations. D'accord. Et alors, on se pose la question de concrètement ce qu'est l'agroécologie. Vous-même, qui travaillez dans le domaine de la recherche, comment la définissez-vous la science en général, comment la définit-elle ? Est-ce que, enfin, je vais vous la reposer autrement. Vous êtes économiste et sociologue. Pourquoi s'intéresser à la question paysanne ? Ah ben parce que moi ça me paraît central. alors si vous voulez, ça me paraît absolument central, c'est-à-dire que l'évolution, le développement. Vous voyez, moi, je suis économiste hein, et j'ai fait de l'économie du développement. Et je dis toujours, en économie du développement, on apprend qu'un pays développé, c'est un pays qui n'a pas de paysans. C'est-à-dire que quand un pays a, 20% de paysans, il est considéré comme sous-développé. Il faut le développer, donc éliminer les paysans. Et ça, c'est une tradition des politiques de développement depuis toujours. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand les pays de l'Est sont rentrés dans l'Europe, la première chose qu'a dit la Commission européenne, oh là là, la Roumanie, la Pologne, ça, il y a trop de paysans, il va falloir réduire les paysans. Et d'ailleurs, ils sont en train de le faire, quoi. Donc, c'est cette logique-là que moi, je remets totalement en cause. Parce que je pense que, si vous voulez, pour avoir une nourriture de qualité, en quantité, etc., il faut des paysans. Et actuellement, on est une situation où le système industriel est dans une impasse totale. Quand on voit le chômage, quand on voit l'importance des dégâts environnementaux, etc., etc. Et il est absolument nécessaire de remettre au cœur de nos réflexions la question paysanne. Donc c'est pour ça que je m'intéresse aux paysans, mais je m'intéresse depuis pratiquement toute ma vie, quoi. Et donc l'agroécologie, pour moi, est intéressante parce que justement, je ne la prends pas dans son sens strict, qui est au sens strict, c'est application des concepts et principes écologiques à l'agriculture, ça c'est le sens strict, mais au sens large, c'est une approche globale dans laquelle il faut intégrer les dimensions sociales, économiques, politiques, c'est-à-dire que ça pose la question des rapports ville-campagne, ça pose la question de comment on produit les aliments, la nourriture et quel type de nourriture, ça pose la question du libre-échange, ça pose toute une série de questions, quand vous voyez, tourne autour de cette question de l'agriculture. Et l'agroécologie permet de les prendre en compte et surtout remet au centre la question des paysans et non pas des exploitants agricoles. Et ça, pour moi, c'est tout à fait fondamental, y compris dans nos pays. C'est pas une question des pays du Sud, c'est une question aussi propre à nos pays, parce que justement notre agriculture industrielle est dans une impasse totale et qu'il faut faire vite. Donc avec l'ISEC, finalement, vous travaillez à définir l'agroécologie d'une autre manière que celle d'Olivier Duchuteur qui écrivait « L'agroécologie peut doubler la production alimentaire en 10 ans ». Voilà, ça c'est une vision économiciste, une vision technique. En fait, l'ISEC, un des apports fondamentaux de l'ISEC, c'est de montrer... si vous voulez, d'abord, elle n'est jamais finie, la démarche agroécologique, elle est toujours en devenir. et elle intègre des réflexions d'agronomes, bien sûr, mais aussi d'écologues, d'anthropologues, d'historiens, d'économistes, de politologues. Et les formations qu'ils donnent là-bas, d'ailleurs, sont totalement transdisciplinaires. Et ça, ça me paraît une dimension tout à fait importante. On ne peut pas faire de l'agroécologie en restant uniquement sur l'économie, sur l'écologie ou sur l'agronomie. Il faut absolument intégrer toutes les autres dimensions et c'est ça qui en fait sa richesse et qui en fait sa portée, de mon point de vue. Alors, si je tente une définition comme point d'étape à cette émission, l'agroécologie, c'est avant tout un mouvement social qui a été initié par la paysannerie. C'est une critique du développement. Ça concerne tous les maillons de la chaîne. Et ce n'est pas seulement technique, comme on pourrait nous le faire croire, mais c'est même plutôt certainement pas technologique. Absolument, ouais. C'est exactement ça. Absolument. D'accord. Alors, je me pose la question de concrètement, qui, sur le terrain, fait l'agroécologie ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la ligne d'horizon ? J'ai cru comprendre que le sous-titre de cette association était « Les amis de François Partant ». Qui est cette illustre personne ? Alors, François Partant, c'est un économiste français qui est mort en 86 et qui avait commencé sa carrière en faisant du développement, justement, dans les pays du Sud. Et puis, il s'est rendu compte que ce qu'il était en train de faire, c'était tout le contraire. La réalité de ce qu'il faisait était contraire aux principes qu'il prenait. Donc, il a arrêté tout. Il est allé s'installer dans un petit village de l'Hérault. Et il a commencé à travailler, à réfléchir, à se mettre en rapport avec des gens qui vivaient, qui essayaient de mettre en place des alternatives. Et voilà, il a écrit plusieurs livres, La fin du développement, La ligne d'horizon, Cette crise qui n'en est pas une, Que la crise s'aggrave. Et donc, quand il est mort, on était un groupe de gens à penser que ces idées, notamment toute la partie critique du développement, était complètement d'actualité. Elles sont toujours d'actualité. Et on a donc créé cette association à partir de ces idées pour les prolonger, pour rendre ces textes accessibles de manière permanente. Et puis on a organisé pas mal de colloques. Le plus important a été Défaire le développement, refaire le monde, qui a eu lieu à l'UNESCO en 2002 et où il y a eu plus de 850 personnes quand même. Mais c'est toujours très très difficile de faire une critique du développement malgré tous les échecs du développement qu'on voit. C'est vraiment une croyance, hein. Gilbert Ryse dit c'est une croyance, c'est-à-dire que les gens voient que ça échoue, mais ils se disent mais non, c'est parce qu'on a mal fait, il y a un bon développement. Et nous on dit il n'y a aucun bon développement, c'est la logique du développement qu'il faut remettre en cause. D'où l'intérêt pour le monde paysan d'ailleurs. Oui d'accord, mais alors... Désolé, je voudrais faire un petit peu un rapprochement avec un autre mouvement qui prend de l'ampleur, c'est le mouvement de l'agriculture paysanne. Et j'aimerais pour cela vous proposer d'écouter une interview d'un paysan de Malincourt, dans le nord, dans le sud du département, qui a notamment participé aux réflexions autour de la charte de l'agriculture paysanne. Et nos réactions, tout de suite après. Oui. On écoute. Jean-Luc Malpeau, bonjour. Tout d'abord, merci de me recevoir sur votre ferme pour cette émission d'Angle d'attaque. Nous sommes ici dans le Cambrésis, où vous avez exercé pendant 40 ans, sans toutefois être réellement à la retraite maintenant. Nous parlons dans cette émission d'agroécologie, notion englobante de la paysannerie, qui a une forte valeur sociale. Et en 1998 est paru en France un document fondateur pour l'agriculture, la charte de l'agriculture paysanne. Et quelle chance, vous êtes de ceux qui ont participé à sa rédaction. Pouvez-vous nous parler de cette expérience, du contexte précédant sa rédaction ? Oui, alors là, on s'est rencontrés avec un certain nombre de militants de la Confédération paysanne qui avaient, chacun dans leur région, travaillé sur la question d'agriculture paysanne qui était la référence de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, quand elle s'est créée, c'était défini comme un syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. Ce qu'on entendait par agriculture paysanne, c'était d'abord une agriculture qui reposait essentiellement sur le savoir-faire et les compétences des paysans, donc sur les hommes, plutôt que sur de la technologie ou du matériel ou de l'artificialisation. Donc on s'était dit que toutes les expériences qu'on essayait de faire, les analyses de fermes qui étaient en une démarche plutôt d'agriculture paysanne, ce serait bien de les mutualiser, de se rencontrer au niveau national, donc dans le cadre de la FADEAR. FADEAR, la Fédération des associations pour le développement de l'emploi agricole et rural. Qui est un outil de la Confédération paysanne, un outil de formation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés pour justement mettre en commun nos expériences, nos réflexions, et puis profiter chacun du travail des autres. Et un peu à la fois, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne une définition plus précise de l'agriculture paysanne, et puis qu'on voit comment on peut évaluer une ferme par rapport à cette idée d'agriculture paysanne. Alors on peut dire que déjà, ce qui était acquis, c'est que pour nous, une agriculture paysanne était une agriculture qui s'opposait à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la disparition des paysans, et qui s'opposait aussi au fait que les paysans soient de plus en plus insérés à l'industrie agrochimique, agroalimentaire, qui fournissait les matières premières ou qui utilisait nos matières premières et qui nous disait de plus en plus comment il fallait faire et avec de moins en moins d'autonomie. Alors, qui étaient les personnes dans ce collectif de rédaction ? Donc, dans ce groupe-là, il y avait des paysans donc, qui étaient engagés dans les associations régionales. Au départ, on était 4 ou 5 associations, et on était jusque 10 hein, sur les territoires français. Et puis, des animateurs qui étaient embauchés aussi dans ces associations. Et puis, bien sûr, un animateur national qui faisait un peu la synthèse à chaque fois après chaque journée de travail. Et ça durait pendant 3 ans, ce travail-là. Donc, de 1995 à 1998. Oui, c'est ça. L'idée étant qu'à chaque fois qu'on avançait sur une définition de critères à prendre en compte, on les expérimentait sur les fermes pour voir si c'était pertinent ou pas, et si ça avait du sens surtout. Quelle forme prenaient ces tests ? Chaque association regroupait un réseau de fermes donc, qui étaient engagées sur cette démarche-là, ou qui étaient d'accord au moins pour tenter cette démarche-là. Et je ne sais pas si... Par exemple, il faudrait peut-être préciser qu'au départ, on s'était fixé 6 thèmes, ou qui étaient les 6 conditions pour évaluer une agriculture paysanne, qui étaient l'autonomie, la répartition, la transmissibilité, le développement local, le travail avec la nature et la qualité des produits. On s'est dit que c'était ces 6 entrées-là qu'il fallait pouvoir évaluer et voir comment on se situait par rapport à l'objectif qu'on avait. Le but étant... quand on définissait l'agriculture paysanne, que c'est une agriculture qui repose sur ses paysans, qui maintient l'emploi paysan et qui répond aussi aux attentes de la société en termes de qualité des produits et de maintien de la richesse environnementale. Donc de ces 6 piliers, de ces 6 points de départ constitutifs de l'agriculture paysanne, sont ressortis des textes plus larges, plus détaillés et donnant des principes pour une agriculture paysanne ? Les principes donc, qu'on avait définis, donc, qui correspondent à l'idée qu'on se faisait d'une agriculture paysanne, donc respectueuse des paysans, de leur autonomie, du nombre de paysans, et en même temps respectueuse des attentes de la société, c'était des choses qui devaient être des références permanentes. Mais en même temps, à partir du moment où on définissait les conditions et des critères pour l'évaluer, on se disait que les critères pouvaient évoluer en fonction du contexte. Et que donc, on avait séparé les principes, qui étaient un peu notre idéal, des moyens de l'évaluer les fermes, qui pouvaient évoluer au fur et à mesure des changements de conditions économiques, politiques ou autres. Et donc, on avait défini au départ 10 principes, qui tournaient autour de l'autonomie ou de la solidarité. On ne va peut-être pas les citer, mais on peut rediriger les auditeurs vers la charte elle-même, qui est disponible sur le site de la FADEAR. Oui, c'est ça. Ouais. Ou dans localement, sur la région, c'est le CEDAPAS, donc Centre d'études pour une agriculture plus autonome et solidaire, qui est l'association qui porte un peu la promotion et le travail autour de l'agriculture paysanne, qui est en lien avec des fermes. Bon, sans les avoir cités, il y a dans les principes de l'agriculture paysanne l'un d'eux qui prône la répartition des volumes de production afin de permettre à chacun d'accéder au métier et d'en vivre. Ouais. Est-ce qu'on peut développer un peu, savoir ce qui a donné naissance à cette idée et ce qu'elle englobe ? Alors, l'idée de répartition, au départ, c'est la volonté que les pratiques et les choix d'orientation des fermes devaient permettre à tous les paysans de pouvoir rester paysans. On est habitué, nous, en tant que dans ma génération, à ce qu'on nous dise toujours, il y a un paysan sur deux qui est en trop. Donc on est dans des pratiques d'agrandissement, d'augmentation de la production, etc., qui font que, de fait, ceux qui sont les moins bien placés dans la compétition sont obligés de quitter la profession. Donc on voulait s'opposer à cette évolution-là, en disant que tous les paysans doivent avoir la possibilité de rester et donc d'avoir un revenu et des conditions de vie suffisantes pour rester. Et comme la terre, la surface, est limitée, comme les débouchés sont limités, puisque à partir du moment où on produit de l'alimentation, les gens ne vont pas manger plus parce qu'on produit plus, si on laisse place à l'agrandissement, si on prend plus d'hectares, il faut forcément qu'il y en ait d'autres qui les abandonnent. Donc la volonté de répartition, c'est de dire quand des éléments de production comme les surfaces ou comme les droits à produire deviennent disponibles, il faut les répartir pour permettre au maximum d'agriculteurs de pouvoir soit s'installer, soit grandir sa petite ferme pour avoir un meilleur revenu. Mais en maintenant, l'objectif étant de maintenir le nombre de paysans de l'époque, c'est-à-dire des années 90. Maintenant, on dit qu'il faudrait qu'il y en ait plus, que la répartition devrait aller vers une augmentation du nombre de paysans. Pour rappel, quelques chiffres clés. À l'époque, la taille des fermes dans le Nord-Pas-de-Calais n'excédait pas 20 hectares. Aujourd'hui, elle est en moyenne de 50 hectares, ce qui correspond également à la moyenne nationale. Et le phénomène s'accentue. Contrairement à... Dans les années 60, on disait qu'il y avait une partie des paysans qui n'étaient pas utiles parce qu'ils produisaient très peu, ils produisaient pour vivre, mais pas tellement pour le marché. Et on avait besoin de la main-d'œuvre pour l'industrie. Donc il y avait vraiment une politique délibéré, d'encourager au départ. Maintenant, pratiquement tout le monde, sauf quelques pouvoirs économiques très particuliers, mais pratiquement tout le monde dans le discours dit qu'il faut maintenir des paysans, qu'il faut réinstaller des paysans. En revanche, le mouvement est lancé et on n'arrive pas à l'arrêter parce que chacun cherche à augmenter sa surface, à augmenter sa production, et en tout cas tous ceux qui en ont les moyens. Et il n'y a plus besoin de politique pour accompagner ça, ça se fait tout seul, et même on a l'impression qu'on ne peut même plus arrêter la machine de concentration des fermes. Donc le fait d'avoir défini, d'avoir mis dans les 6 conditions un thème de répartition, c'était d'évaluer sur la ferme comment on peut améliorer ses conditions de vie ou les maintenir, et améliorer son revenu ou le maintenir s'il est suffisant, sans agrandir. Et c'est là où le rapport entre le thème de répartition et d'autonomie intervient. En général, plus on est autonome, c'est-à-dire plus on a des techniques qui nous rendent indépendants de l'industrie, où on arrive à valoriser les ressources locales de la ferme, du territoire, etc., ça permet d'augmenter la valeur ajoutée et donc d'avoir un revenu suffisant sans augmenter sa production. C'est un peu ça la façon dont c'est évalué. Alors évidemment, ça change suivant d'une production à l'autre. Je ne vais pas entrer dans les détails des indicateurs qui permettent ça. Mais l'idée, c'était de gagner en autonomie pour pouvoir mieux vivre sans augmenter la production. Et dans la mesure où on n'augmente pas la production, on laisse la place. On n'est pas dans un processus d'élimination des plus faibles. Oui, pas de concurrence. Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, merci Jean-Luc Malpeau. Merci de ton accueil, de nous avoir donné ton temps pour ce reportage. Au revoir. Au revoir. Voilà. Désolé pour le son qui grésille, c'était pas comme ça chez moi. Bon. Sylvia, bon, tu es encore là ? Oui. Alors je suppose, Sylvia, que cette intervention t'éveille des remarques. Et pour te lancer, quelle différence, quelle convergence y a-t-il entre l'agriculture paysanne et l'agroécologie ? Une très très grande convergence, hein, aussi bien dans la démarche, c'est-à-dire que ce sont les paysans eux-mêmes qui ont décidé de s'auto-évaluer, de définir ce vers quoi ils voulaient tendre, d'autre part parce qu'il y a cette notion des savoirs et savoir-faire, ensuite parce que c'est l'idée aussi de maintenir le plus de paysans possible, l'idée de ne pas être en compétition, l'idée d'autonomie, donc il y a énormément d'éléments, bien sûr. On peut dire que l'agriculture paysanne pourrait être en France au centre, devrait être en France au centre de l'agroécologie, et que de ce point de vue-là, la France, si la France voulait être un modèle, c'est vraiment partir de cette agriculture paysanne et non pas partir de je ne sais quel agronome ou de je ne sais quelle théorie de compétitivité, de performance, etc., etc. Là, on est bien dans la logique de l'agroécologie et c'est pas pour rien d'ailleurs que la Confédération paysanne s'intéresse aussi, comme Via Campesina, à l'agroécologie et que cette notion d'agroécologie paysanne peut mettre en son centre justement cette agriculture paysanne. Oui, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu plus longuement de Via Campesina, ce mouvement paysan international, ses origines et donc ses principes? Oui, donc ce mouvement est né en 93, curieusement pour des raisons un peu anecdotiques, enfin à Mons, en Belgique, mais c'est un mouvement international donc de paysans, petits paysans, paysans sans terre, peuples indigènes, femmes rurales, petits pêcheurs aussi. On estime qu'actuellement il y a 200 millions de membres, donc ça doit être un des plus grands mouvements sociaux au monde. C'est là aussi dans l'histoire de la paysannerie la première fois qu'il y a un mouvement international de paysans. On a toujours reproché aux paysans leur localisme, le fait qu'ils s'intéressent qu'à eux, etc., etc. Donc ce mouvement-là, justement, a une vision beaucoup plus large que simplement la question paysanne. Elle n'est pas du tout dans une démarche corporatiste et travaille sur différentes thématiques qui sont des thématiques assez larges, bon, comme celle de la terre. Mais quand on dit terre, on peut aussi réfléchir dans nos pays à la disparition des terres agricoles, à l'urbanisation, etc. Mais pour d'autres pays, c'est la question de la réforme agraire. Même si je pense que la réforme agraire, elle pourrait aussi être aussi à l'ordre du jour dans nos pays. Ils travaillent sur toute la question de la biodiversité, parce qu'il y a effectivement une très grande disparition les deux tiers de la biodiversité cultivée a disparu au cours du XXe siècle. Donc, comment maintenir une biodiversité, mettre en place des réseaux de semences. Ils travaillent sur les échanges avec une notion très importante qui est la notion de souveraineté alimentaire, qu'il faut distinguer de la notion de sécurité alimentaire, puisque la souveraineté alimentaire, c'est le droit de produire ces aliments, alors que la sécurité alimentaire, c'est le droit de pouvoir en consommer, enfin, pour résumer. Hein. Travaille aussi sur la question des pratiques culturales, donc justement des pratiques culturales de récupération des savoirs et savoir-faire, et Via Campesina a mis en place des écoles de paysans dans lesquelles ces savoirs sont en train de se transmettre, c'est-à-dire que il y a une véritable récupération, évaluation, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un lien avec des chercheurs et puis des nouvelles techniques sont utilisées, mais toujours sous le filtre de quel intérêt ça peut avoir pour les paysans, quel intérêt ça peut avoir pour une société, etc., etc. Donc toute une série de thématiques dont on voit qu'elles sont loin, loin d'être corporatistes. Hein. Donc voilà. C'est un peu ça. Et donc, il y a aussi, par exemple, c'est un mouvement qui est extrêmement soucieux de la parité, enfin, entre les hommes et les femmes. Toujours, tout est divisé en deux. Actuellement, c'est une femme qui dirige, enfin, qui est un petit peu au sommet. Il n'y a pas vraiment de direction, c'est un collectif, la direction, mais qui dirige actuellement Via Campesina. Ça tourne, actuellement, le siège est en Afrique. Ça a été avant en Amérique latine. Jusqu'à présent, c'était en Indonésie. Et en France, il y a deux syndicats qui sont membres de Via Campesina, c'est la Confédération Paysanne et le MODEF. Alors concrètement, sur le terrain, ces organismes, ces syndicats, comment font-ils pour agir dans le sens d'une agriculture paysanne? Puisqu'on a longtemps, on a parlé de la récupération politique dans la première partie, mais donc maintenant je m'intéresse plus précisément à ce qui, sur le terrain, se fait. Alors, bien évidemment, il y a une grande différence entre les pays où il y a encore beaucoup de paysans et les pays où il y en a moins, comme nous. Hein. Donc, dans les pays où il y a beaucoup de paysans, c'est-à-dire en Amérique latine, en Afrique, en Asie, eh bien, il y a toute une série d'actions qui sont menées par Via Campesina, par exemple sur les terres, contre l'accaparement des terres, ou justement, comme j'ai dit tout à l'heure, création d'écoles, retransmission des savoir-faire pour essayer de renforcer les savoirs paysans, les retransmettre, etc. La mise en place de réseaux de semences paysannes, ça se fait aussi chez nous, ça se fait dans le monde entier, pour contrer l'industrie semencière et donc les paysans puissent garder leur autonomie en matière de semences, c'est absolument vital, parce que le jour où nos semences seront aux mains de 3 ou 4 multinationales, on mourra de faim, littéralement, c'est-à-dire elles décideront de ce qu'on va manger, comment on va le manger, etc. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Il y a des actions aussi qui sont menées très concrètement contre toutes les politiques de libéralisation des échanges, contre les OGM aussi, qui est aussi une manière de préserver les semences. Actuellement, il y a, par exemple, il y a un tribunal au Mexique qui est en train de juger la contamination du maïs par les OGM venus des États-Unis. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions qui sont menées aussi contre les pesticides. Donc voilà, et alors ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, il y a eu une action très importante en Colombie parce qu'il y avait un traité de libre-échange qui interdisait aux paysans de produire leurs semences. Et là, on a eu un bel exemple de l'ensemble de la société, des étudiants, etc., qui ont bloqué les routes, etc. Et l'article qui était dans le traité a été suspendu, au moins provisoirement, mais en tout cas suspendu. Donc voilà, c'est des actions comme ça que Via Campesina essaye de mener avec d'autres mouvements sociaux. Ce n'est encore une fois pas une vision purement corporatiste, mais c'est une vision sociale plus globale qui permet aux gens de réfléchir. Bon, tous les circuits courts, les AMAP, tout ce genre de système-là, pareil, ça a été mis en place par des mouvements paysans, puis après systématisé par des mouvements comme Via Campesina à l'échelle mondiale. On pourrait également citer Nature et Progrès pour une labellisation plus autonome. Absolument. Et sans passer par des organismes certificateurs. Exactement. Toujours cette idée d'autonomie, devenir autonome, être maître, en fait, de ce qui est la vie des gens, quoi. C'est ça. Et c'est un bel exemple parce que vraisemblablement, c'est dans l'agriculture que ça va être plus facile que dans l'industrie, je pense, parce que le paysan a encore un minimum de possibilité de jouer sur son travail, sur ce qu'il produit, etc., etc., ce qui est beaucoup plus difficile dans l'industrie, je pense. Et est-ce qu'on constate des avancées ou en tout cas des changements de mentalité, au moins dans les couches sociales qui ne sont pas directement en lien avec l'agriculture, mais que ça concerne bien sûr? Oui, d'abord, on constate, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est... Bon, d'abord, au départ, c'est vrai que dans les gens, les urbains, c'est beaucoup parti d'une inquiétude sur les problèmes de santé ou sur les problèmes d'environnement. Au départ, c'est un petit peu ça. Bon, qui fait que les gens commencent à être un peu... Et puis des scandales alimentaires qu'il y a eu ces dernières années, qui font que les gens commencent à se poser des questions et commencent à s'intéresser à une autre type d'alimentation qui est portée par les paysans, parce que c'est pas l'industrie, l'agro-industrie qui va faire, même la bio-industrielle, elle fait pas les produits de la qualité des produits faits par des paysans, donc il y a ça. Il y a aussi un phénomène intéressant, je pense, c'est le fait que, notamment en Europe, il y ait des jeunes qui veulent s'installer, de plus en plus de jeunes qui veulent s'installer dans l'agriculture. Il y a même un mouvement Reclaim the Fields, donc nous réclamons des terres européens de jeunes qui essayent de réfléchir à l'installation, et c'est, Dieu sait si c'est difficile dans nos pays, donc il y a ça, je trouve que c'est aussi un signe. Il y a 20 ans, très peu de jeunes envisageaient de s'installer dans l'agriculture. Une fois passé le mouvement des post-68 arts, c'était un petit peu tombé en désuétude, et là, il y a un véritable intérêt, des formations, etc. Donc ça, je pense que c'est très, très intéressant. Voilà, donc je pense que c'est les deux axes, l'axe santé-environnement et puis l'axe installation de jeunes. Alors pour montrer peut-être un peu qu'il y a encore des résistances et que les crânes sont difficiles à percer, je voudrais relater une anecdote, puisque ici en région, mi-mars, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a organisé une semaine de débat sur l'alimentation. La problématique était posée, c'était « Et demain, qu'est-ce qu'on mange ?» De nombreuses associations ont donc été invitées et représentées, et tous les maillons de la chaîne ont été interrogés. Le mot d'ordre est clair, c'est un débat public qui concerne tout le monde. Ça, c'était lancé par le Conseil régional. On peut critiquer la forme que prend donc la démocratie participative de nos jours. Toujours est-il que cette initiative a intégré des idées peu débattues chez les politiques, comme l'alimentation de proximité, la notion du prix, la précarité, la malbouffe, les impacts sur la santé que ça a, le coût des transports, le gaspillage. Mais le 14 mars, environ 150 agriculteurs de la FDSEA, donc la branche départementale de la FNSEA, sont venus manifester dans la salle du Conseil régional à Lille, où se tenaient ces débats. Il y a eu confiscation de la prise de parole, perturbation de séance, le ton montait. Leur slogan, c'était « Laissez-nous travailler ». C'est clair. Leur mobilisation faisait suite à un article de journal qui a certainement mis le feu aux poudres, paru quelques jours auparavant, qui disait « la fin du système agricole » ou « la fin d'un système agricole », je ne sais plus trop. Les débats ont pu reprendre plus sereinement, mais ces agriculteurs syndiqués, donc chez les productivistes, ont réagi à une certaine forme de peur. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ben oui, je pense qu'effectivement, ils ont peur, parce qu'ils se rendent bien compte que leur système est à bout de souffle à tous les points de vue. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la violence avec laquelle ils réagissent, parce que pendant un certain temps, leur discours, c'était « il y a de la place pour toutes les agricultures ». Et puis en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas la place pour toutes les agricultures. C'est le cas des OGM, c'est le cas des pesticides, c'est le cas des maladies. Il y a eu l'affaire Giboulot il n'y a pas longtemps. Enfin, ça se pose de plus en plus. Alors, il y a une remise en question officielle, notamment du gouvernement, etc., de l'agriculture industrielle. Et donc, ils sont extrêmement inquiets. Voilà. Mais, et donc, pour eux, il n'est pas question de lâcher en aucun cas. Donc, je pense que, bon, voilà, c'est l'histoire du néolithique. Moi, j'ai entendu aussi un débat avec quelqu'un, la vice-présidente de la FNSEA, qui disait, de toute façon, on n'a rien à apprendre de nos parents. Nos parents ne savaient rien. Donc, l'agroécologie ne peut être que quelque chose de moderne et de compétitif. Donc, c'est bien la preuve de toute l'ambiguïté qui tourne autour de ces idées-là et du refus, et notamment, c'est vraiment propre à la France, hein, parce que il faut jamais oublier que la politique agricole en France a été co-gérée par les syndicats majoritaires. Donc, ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau, si je puis dire, si je puis utiliser cette expression, parce que, voilà, c'est co-substantiel de leur existence. Donc, je pense qu'on va pouvoir voir se dessiner. En général, ce dont je les ai entendus souvent dire, c'est que eux, ils ont toujours fait de l'agroécologie. Voilà. Ça, c'est en général le discours qu'ils tiennent. Et quand ils ne, sinon, et alors effectivement, il y a toujours cette idée, toute personne extérieure ne doit pas, il n'y a que nous qui savons produire et les aliments dont vous avez besoin. Voilà. Ça, cette notion-là, voilà. Mais quand on voit les dégâts, on peut s'attendre effectivement à quand même des conflits dans les années qui viennent, ouais, là-dessus. Mmh. C'est vraiment l'affrontement de deux modèles, quoi. Hein. Donc ils ont de quoi être inquiets, à mon avis. Mais en même temps, je pense qu'ils sont extrêmement fragiles parce qu'ils dépendent de l'énergie. Hein. L'énergie, elle va pas être toujours bon marché comme ça. Ils dépendent des marchés. Les marchés, ils ont aucune prise sur les marchés. Ils dépendent des industries amont et aval agroalimentaires ou productrices d'intrants qui déterminent les coûts. Enfin, je veux dire, ils sont dans une position quand même pas si confortable que cela, quoi. Mais ils réagissent parce que, à mon avis, ils ont peur, oui. Très bien. L'horloge tourne, mais on a encore un quart d'heure devant nous. Ce que je pense faire, c'est une toute petite pause musicale afin de respirer un peu et puis pouvoir repartir plus sur des rappels de choses à ne pas rater, des livres à citer, etc. Ça, si ça vous va. Très bien. Très bien, c'est parti. Tu sais, l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage, on ne se connaît pas. Pourtant chacun à notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne, pour l'agriculture paysanne. Tu sais, chez toi, c'est comme ici, c'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie, sans s'occuper du résultat. Nous, on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme. Tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi, tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On veut rester à la campagne, vive l'agriculture paysanne. Thank you. qu'il y a surproduction. On nous répète jusqu'au délire, il y a encore trop d'exploitation. Qu'à tout prix on doit s'agrandir, nous on n'est pas des mercenaires, prêts à tout produire pour pas cher. On préfère avoir des voisins que des gros troupeaux, des gros engins. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On voudrait vivre à la campagne de l'agriculture paysanne. La société qu'on nous prépare, au nord, au sud et au milieu, c'est du plastique et du cafard, et tout un tas de choses bien dégueu. Alors pense à moi si tu enrages de ce monde en déséquilibre. La bonne bouffe, les beaux paysages, c'est fait par des paysans libres. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne, vive l'agriculture paysanne. Bien, j'espère que ça t'a plu. Oui, mais je la connaissais pas en plus. Ah, je vais la citer, c'est Jules Marcard, 20 ans à la campagne. Ah ouais. Alors, on avait une petite dernière question avant de véritablement conclure et puis de pouvoir citer des ouvrages. Est-ce que je laisse Christian peut-être ? Tu voulais poser. Oui, voilà. on a été tous les trois autres très intéressés par ce que vous avez développé, comme dit sur la Terre. Vous savez que la Confédération paysanne est membre fondateur d'ATTAC, donc on n'est pas complètement ignorant ni peu mobilisé autour de ça, autour de retour à la Terre. Donc c'est justement la question que nous nous posons en fait. Je pense que si j'entends ce que vous dites et si c'est vrai, et on a l'exemple de Germain, de jeunes qui veulent retourner à la terre et devenir maraîcher, il faudrait se poser la question, effectivement, de savoir comment on y va et comment on convainc les gens, puisque je suis pas certain qu'actuellement l'agroécologie soit suffisamment nourricière pour une population française. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour convaincre, quoi ? Pour convaincre qui ? Pour convaincre les gens de peut-être de retourner à la terre, de redevenir paysan et en même temps de cultiver autrement. Là, c'est vrai qu'on a un très long parcours, hein, parce que la paysannerie a été négligée, dévalorisée, considérée comme rétrograde, archaïque, le passé dur, enfin, etc., etc. Bon, il y a un premier élément quand même, c'est le chômage. Moi, je pense que il n'y aura pas de solution au chômage. Hein. En tout cas, il n'y aura pas de réponse en termes d'emploi industriel ou même de services à l'importance du chômage dans laquelle on est. Et d'ailleurs, on le voit très très bien dans les pays qui ont des crises très importantes, la Grèce, mais avant elle, il y a eu la Russie, il y a actuellement l'Espagne, etc. Donc, quand la crise est très très forte, les gens, parce qu'ils doivent manger et parce qu'ils doivent travailler, il y a des phénomènes importants, assez importants de retour à la terre. Donc ça, c'est une première réponse. Et après, je pense que, petit à petit, si vous voulez, les gens se rendent compte, en fait, qu'il y a aussi beaucoup d'avantages à être à la campagne, mais même si, il faut quand même pas se leurrer, le travail est difficile, hein, c'est pas une partie de plaisir, et surtout au début. Mais par exemple, moi je pense que pour des jeunes, des phénomènes comme les AMAP, c'est-à-dire dans lesquels la production est préalablement vendue, enfin à l'avance, quoi, permet aux jeunes de s'installer beaucoup plus facilement que par exemple il y a 10 ou 15 ans où les AMAP n'existaient pas. Parce que, ils ont déjà leur marché entre guillemets, parce que c'est pas un vrai marché, ça fonctionne autrement. Mais en tout cas, voilà, il y a des phénomènes qui sont favorables. Il y a d'autres phénomènes qui sont défavorables. Vous en avez parlé à un moment, c'est l'accès au foncier. C'est-à-dire que là, il faut absolument débloquer absolument l'accès au foncier. D'une part, empêcher que les terres agricoles soient détruites. Et d'autre part, un peu comme le disait celui de la Confédération paysanne, là, celui qui a parlé, je sais pas, j'ai oublié son nom, il faut absolument que des paysans donnent des terres, qu'on n'aille pas vers la concentration des terres et au contraire vers la répartition des terres. C'est pour ça que je dis que la réforme agraire, on pourrait se la reposer aussi dans nos pays pour donner accès à des jeunes à la terre. Mais ça se passe, hein. Moi je connais pas mal de cas de paysans notamment qui ont beaucoup trop de terres, qui ont décidé justement de limiter leur production et qui du coup sous-louent ou prêtent, ou enfin il y a des tas de systèmes pour lesquels ils permettent à des jeunes de s'installer sur leurs terres. Oui, c'est vrai, on a entendu ça l'année passée avec Terre de Liens en effet. Oui, voilà, d'ailleurs, ouais, moi ouais, qui suis en recherche de terres actuellement dans mon projet de reconversion, je dois le dire, il faut être très attentif à ce qui se passe dans le monde agricole, justement, ce genre d'initiative, ça arrive, mais il faut être là au bon moment. Oui, parce que c'est très contrôlé par la SAFER, c'est très contrôlé par les agriculteurs eux-mêmes qui ne pensent qu'à une chose, c'est à s'agrandir, etc. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc c'est là, il y a vraiment qu'il y aurait quelque chose à faire. C'est-à-dire, si on parle d'agroécologie, le gouvernement, etc., c'est là-dessus. Il faut jouer sur les structures agraires. Et c'est pour ça que l'agroécologie, il faut le concevoir d'une manière large. Il faut jouer sur les structures agraires, il faut jouer sur les échanges, il faut jouer sur les prix, il faut jouer, faciliter l'emploi, faciliter, favoriser une agriculture paysanne plutôt qu'une agriculture industrielle. Tout c'est ces mécanismes-là, l'agroécologie. C'est pas simplement on va faire des cultures associées, on va utiliser moins d'intrants chimiques, etc. Voilà. Oui, cette technicisation du discours dans la bouche des politiques et puis un peu ailleurs. C'est ce qu'il y a de plus facile en fait, hein, parce que ça, tout le monde peut tomber d'accord sur la technique, mais quand on parle du social, alors là, on commence à plus être d'accord. La satique. Mais alors, Sylvia, donc l'heure tourne et je dois repasser la main à Christian pour une conclusion et le passage de relais. Je voudrais vous remercier, et puis peut-être vous remercier en citant plusieurs ouvrages qu'on peut se procurer. Donc Sylvia Pérez-Vitoria, qui a écrit dans l'ordre, tu me diras si je me trompe sur l'ordre, « Les paysans sont de retour » et « La riposte des paysans », disponible chez Actes Sud. Oui. Et j'ai pour ma part lu « Le petit précis d'agroécologie » édité par La Ligne d'Horizon. Oui, ouais, voilà. Ça c'est auprès de La Ligne d'Horizon que c'est disponible. Et tu as également réalisé un reportage l'an dernier, ou il y a 2 ans, qui s'appelait donc, « Les mandarines et les olives ne tombent pas du ciel ». Ouais. Qui est difficile à se procurer. Ouais, mais je crois que ça va... C'est, on se procure auprès de la Confédération paysanne, en fait. D'accord. Ah, c'est ça le... Voilà. Et puis j'ai aussi participé à un ouvrage collectif qui s'appelle « La bio entre business et projet de société ». Qui a été coordonné par Philippe Baquet, dans lequel j'ai fait un chapitre sur l'agroécologie qui est paru aux éditions Agone en 2012. Pardon. D'accord, très bien. Ben, on remettra ces références sur le site d'Attaque. Je voudrais également donc appeler à une date la fête de l'agriculture paysanne dans le Nord. Ce sera cet été, le 6 juillet, à Los Angoël, avec de la musique, des boissons, de la bonne bouffe, mais aussi des débats. Et je tiens à remercier tout particulièrement Mathilde pour le temps qu'elle a consacré à préparer cette émission et de m'avoir présenté auprès de Sylvia. Merci beaucoup. Si cette émission vous a intéressé, diffusez-la sur les réseaux sociaux et dans vos réseaux professionnels. N'hésitez pas. Sylvia, ben écoute, merci beaucoup. J'espère qu'on restera en contact. Ben oui, merci beaucoup à Radio Campus de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci Sylvia. Merci. Ben, nous te disons tous au revoir et bon week-end. Et je repasse la main donc à Christian. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, une excellente émission là avec quelqu'un de très très fort et très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir la réécouter sur Radio Campus, sur campus.com, bien sûr pendant 2 mois, et sur notre blog attaquelille.over-blog.com pendant ad libitum. Voilà. Je rappelle que nous avons un rendez-vous le mardi 22 avril à la Mresse à 19h pour reparler de ce thème de l'agroécologie, parce qu'on n'a pas fini d'en parler, je pense à Attaque, et on a aujourd'hui, avec ces 2 interviews aujourd'hui, on a de la matière. En attendant, je peux vous signaler que le 19 mai, on va parler d'Europe, bien sûr, les élections européennes auront lieu 7 jours plus tard. Et c'est peu dire qu'à Attaque, on creuse la question. On a déjà dit, René l'a rappelé, tout le mal qu'on pensait du grand marché transatlantique lors de l'avenue de Raoul Marc Génard. On a entendu pendant 2 heures un vrai spécialiste de la question nous décrire par le menu les risques et même les catastrophes qui nous attendent avec ce grand marché transatlantique. 250 personnes, mais vous inquiétez pas, La Voix du Nord, ni Noël Clair ne sont venus, ni aucun autre journaux d'ailleurs, puisque manifestement ça ne les intéresse pas. Nous, ça ne va pas nous empêcher de continuer d'agir. Les députés, les conseillers généraux régionaux, les maires, les candidats, les candidates aux élections européennes peuvent s'attendre à recevoir un courrier dans les prochains jours. On prend date, il est prêt, le courrier. Le collectif anti-TAFTA va leur demander de prendre position pour ou contre le grand marché transatlantique et ce sera déterminant pour le vote. Bien, en attendant, je rappelle encore une fois que nous pouvons reparler d'écologie mardi soir à la Mresse. On vous attend et on aura de quoi parler. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir à tous et puis bon week-end.